Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Pourquoi as-tu peur de l'ennemi? La Bible dit que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un qu'on dit que c'est un sorcier, pas celui qui bloque la famille. Sache que le Saint-Esprit est en toi, Jésus est en toi, Dieu le Père est en toi. Oui, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. C'est tes ennemis qui doivent avoir peur de toi. C'est pourquoi tu dois te réveiller dans la prière. Ne te plains pas, n'aie pas peur. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, un temps de prière, opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Juges 14, 1 à 9. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie, avec OSB. Lisons Juges 14, 1 à 9. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit : J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent : N'y a-t-il point de femme parmi les filles des frères et dans tout notre peuple ? Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. Et ces vérités vont inspirer nos prières. Première vérité, ne nous contentons pas de la volonté permissive de Dieu. Vous savez, il y a deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Selon son plan, selon son caractère, en accord avec sa parole. C'est ça qui est la volonté parfaite. Mais la volonté permissive, ce sont des choses que Dieu permet. Il peut te dire, oui, tu peux faire, mais toi, tu penses qu'il est content. Il te permet, mais ça ne fait pas partie de sa volonté parfaite. Et beaucoup de chrétiens se contentent de la volonté permissive. Vous voyez ici, c'est l'exemple de Samson. Selon la loi de Dieu, un fils d'Israël ne pouvait pas épouser quelqu'un de notre peuple, d'une autre nation. Ce n'était pas à cause de la xénophobie, non, c'était parce que ces autres nations étaient incirconcises, c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient pas l'Éternel. C'est l'équivalent aujourd'hui pour nous les chrétiens de ne pas épouser une non-chrétienne. Oui, même le Nouveau Testament l'interdit. Mais souvent, il y a des chrétiens qui forcent. Tu forces, tu dis, moi je veux cette femme-là, même si elle n'est pas chrétienne, je veux ce monsieur-là, même s'il n'est pas chrétien, né de nouveau. Et parfois, Dieu peut te dire, ok, vas-y, comme c'est celui que tu aimes. Parfois même ton père peut te dire, bon, vas-y. Regardez ici, le texte dit « Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. » Les Philistins étaient des ennemis des enfants d'Israël. Et le verset dit « Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père, à sa mère et dit « Je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles des frères ?» Et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Je vais parler à un jeune garçon, écoute-moi bien. Tes parents sont des chrétiens, ils sont même des serviteurs, des servantes de Dieu. Ils te donnent un conseil, pourquoi veux-tu t'entêter pour épouser ces garçons-là? Pourquoi veux-tu t'entêter pour épouser cette fille-là? Il te montre qu'elle n'est pas réellement convertie. Il y a des gens aujourd'hui, parfois tu les vois qui vont à l'église. Ils disent, moi je pars à l'église, je pars dans une église évangélique, je pars à la messe. Mais son comportement démontre qu'il est encore païen. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais c'est chrétien de nom. Tu le vois avec la Bible, mais parfois il est encore dans la sorcellerie, il est encore dans la magie, dans le mysticisme. Il faut faire attention. Ça, c'est la volonté permissive. Quand bien même, parce que tu veux, tes parents peuvent te dire, bon, comme tu veux. C'est comme s'ils te disaient, comme tu es têtu là, tu ne veux pas écouter notre conseil, vas-y. Alors, vas-y là, ça fait partie de ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu permet, mais tu vas voir que ça va te rattraper après. Quand le verset 4 dit, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Ça, c'est la volonté permissive. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il peut dire, ah, c'était la volonté de Dieu. Comme on dit que ça venait de l'Éternel. Ça venait de l'Éternel ici, il faut comprendre, cela veut dire, c'est une volonté permissive. C'est comme pour le cas de Balaam, où Dieu a dit à Balaam, vas-y. Mais ça ne faisait pas partie de sa volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Dans sa parole, il a interdit le mariage entre les Israélites et d'autres peuples. Évitons donc d'être dans la volonté permissive. Beaucoup de gens qui ont des problèmes aujourd'hui dans les mariages, c'est surtout parce qu'ils ont mal commencé, ils se sont entêtés, ils sont entrés dans quelque chose où ils n'ont pas cherché à savoir si c'était la volonté parfaite de Dieu. Deuxième vérité, la puissance du Saint-Esprit nous donne les capacités surnaturelles. Vous voyez, Samson a pu tuer un lion parce que le verset 6 dit « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. » Ça, c'est une force surnaturelle. Vous vous rendez compte? Un homme sans une machette, sans une arme quelconque, sans un marteau, avec les mains qui puisse déchirer les lions. Le secret ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. La leçon que nous devons tirer, c'est que le Saint-Esprit nous donne les capacités surnaturelles. Je veux parler à quelqu'un. Si tu veux que ton ministère soit efficace, il faut la puissance du Saint-Esprit. Oui, pasteur, c'est bien. Tu as fait l'institut biblique. Tu as fait la théologie. C'est une bonne chose. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit, ton ministère ne peut pas connaître une dimension surnaturelle, vous voyez. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit peut te donner des capacités surnaturelles, telles que prier pour les malades et les malades seront guéris, telles que chasser les démons, telles que opérer d'autres prodiges, telles que toucher les gens quand tu prêches la parole. Donc, il y a des capacités surnaturelles. Le Saint-Esprit peut te donner les capacités de combattre tes ennemis, les terrasser, tout ce qui vont venir te combattre. Quand tu as cette onction du Saint-Esprit, il ne peut pas te vaincre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons rechercher toujours à être remplis du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, 18, la Bible dit, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Troisième vérité, Dieu peut pourvoir à nos besoins de manière surnaturelle, c'est-à-dire de manière inattendue. Je vais parler à une jeune dame, écoute-moi bien, tu te poses des questions, tu as des problèmes d'argent, tu regardes, tu dis dans ta famille, tu n'as personne. J'aimerais te dire, ne compte pas sur un homme. Ton problème là, c'est là résolu. Parce que Dieu va te surprendre. De manière surnaturelle, Dieu va pourvoir à tes besoins. Cesse de pleurer. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, même si tu cherches l'argent du billet d'avion pour aller chez ta fille, Dieu pourvoira de manière surnaturelle. Regardez ce qui se passe dans ce passage. Lorsque Samson a tué les lions, verset 8, quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Tu as déjà vu ça, mon ami? Dans le corps du lion, là, le lion qui est mort, le lion qui était un cadavre, Dieu suscite du miel, le miel qu'on mange. Tu vois comment Dieu peut pourvoir? Là où toi, tu ne peux même pas t'attendre à ce que tu peux avoir quelque chose. Là où tu ne peux pas t'attendre à avoir l'argent, à avoir la solution. Je vais parler à une vieille. Oui, ça fait longtemps. Tu cherches l'argent pour la scolarité. Ne te pose pas la question pour dire comment est-ce que mes enfants vont étudier. Il y a un Dieu, un Père céleste qui pourvoira tous tes besoins. Là où tu ne t'attends même pas à trouver l'argent. Là où tu ne t'attends même pas à trouver la solution. Dieu peut susciter une solution pour toi. Comme il a fait du corps d'un lion cadavre, Dieu suscite le miel, la nourriture pour manger. Oui, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais voici votre Père céleste, il les nourrit. Il est capable de pourvoir à nos besoins physiologiques. Il est capable de te donner à manger. Il est capable de te vêtir. Il est capable de payer tes factures. Je vais parler à un chef d'entreprise. C'est vrai que tu es endetté ces derniers temps. Oh, tu dois à beaucoup de gens. J'aimerais que tu fasses confiance, que tu fasses un acte de foi et tu verras la provision surnaturelle et tu vas éponger toutes ces factures. Attends-toi à un secours surnaturel de Dieu en marchant par la foi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te remercie. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia, élevons nos voix, bénissons le Seigneur, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, il est le même Dieu, élève ta voix, bénis-le. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, Opération sur la brèche. Chaque matin, nous nous tenons à la brèche parce que nous croyons que Dieu écoute la prière et par la prière, il est capable de changer des situations. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Juges 14, 1 à 9. Ce passage nous montre plusieurs vérités. Nous ne devons pas nous contenter de la volonté permissive de Dieu, surtout dans le cadre du mariage. Beaucoup de jeunes gens entrent dans des mariages sans rechercher la volonté de Dieu. Ils se contentent de la volonté permissive et ça crée des problèmes. Beaucoup de jeunes gens n'écoutent même pas les conseils de leurs parents. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour tous ceux qui cherchent l'âme sœur, afin qu'ils puissent rechercher la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel Dieu, toi qui règnes dans les cieux, nous te rendons grâce. Nous te bénissons et nous te glorifions pour tout tes faits. Ce matin, Père éternel, nous disons merci parce que tu as veillé sur nous. C'est grâce à toi que nous nous sommes réveillés ce matin. Nous prions, ô Père éternel, et nous demandons la manifestation de ta volonté parfaite dans la vie de tes fils et de tes filles. Nous prenons autorité sur toute forme de volonté permissive, sur toute forme de désobéissance, sur toute forme de forcing. Et nous demandons au Père éternel que ta volonté règne dans la vie de ceux qui ont accepté ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous prions contre toute forme de précipitation. Que ta patience règne également en nous. Tu as dit dans ta parole que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. Nous demandons au Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, que tes fils et tes filles soient attachés à ta parole, attachés à ta volonté et qu'ils mettent leur confiance, qu'ils mettent leur assurance en toi. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine du travail, quelle que soit l'activité à mener, que tu sois le début et la fin de toutes choses. C'est ta volonté qui nous dirige dans tout ce que nous entreprenons. Nous prenons autorité sur toute forme de compromission, toute forme de manipulation dans le nom de Jésus. Merci Père éternel pour ta volonté qui nous guide dans tout ce que nous entreprenons. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, avec confiance, avec assurance que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que la puissance du Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles. Si Samson a pu tuer, déchirer un lion sans rien à la main, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas prier pour que la puissance du Saint-Esprit puisse envahir ton être, pour que tu puisses accomplir des exploits avec Dieu, que ce soit sur le plan socio-professionnel, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les études. Demande la puissance du Saint-Esprit pour faire des choses surnaturelles, comme ce fut le cas de Samson. Prions le Seigneur. Nous voulons te remercier ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Protecteur. Quelle grâce avons-nous, Seigneur, parce que sans toi nous ne sommes rien. Tu as dit dans ta parole, dans Actes 1, verset 8, vous recevez une puissance venant du Saint-Esprit et vous serez mes témoins partout dans le monde. Redonne-nous cette puissance. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui est avec nous, qui est sur nous. Nous voulons qu'il nous recouvre de la puissance de feu, de miracles, dans tout ce que nous accomplissons dans ta maison, dans nos ministères, dans la prédication, dans la prière, dans le témoignage, dans l'amour. Oh, partout où tu nous as établis en tant que missionnaire, en tant que fonctionnaire, en tant que travailleur, en tant qu'ouvrier, en tant que marié, en tant qu'enfant, tout ce que nous faisons, que ça soit conduit par la puissance du Saint-Esprit, le feu qui s'allume dans nos vies pour faire ton œuvre, pour faire ton œuvre, pour aller dans le camp du diable, faire des incursions et gagner des âmes. C'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre désir, Seigneur. Louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que Dieu peut pourvoir à nos besoins de manière surnaturelle. D'un corps, d'un cadavre du lion pouvait sortir les miels. Cela veut dire que Dieu peut même pourvoir à tes besoins, à ta nourriture, à l'argent que tu recherches, de manière surnaturelle, de manière inattendue. Nous allons prier. Je ne sais pas quels sont vos besoins. Chacun va dire, Seigneur, voici mon problème, voici mon besoin. Je n'ai personne pour me secourir. Mais comme toi, tu es le Dieu qui pourvoit de manière surnaturelle, toi, le Dieu qui a pourvu de manière surnaturelle, en donnant le miel à Samson d'un cadavre du lion, pourvois maintenant mes besoins. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur et faisons-lui confiance. Non. nous élevons ton nom, nous proclamons ta gloire, nous magnifions ton nom. Tu es digne de recevoir honneur, tu es digne de recevoir élévation, puissance, dignité, autorité. Ce matin, je veux te dire merci parce que tu n'es pas un Dieu sourd, tu es le Dieu qui entend nos prières. Et tu nous as dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Père, nous savons que tu pourvois à tous nos besoins. Et tu nous as aussi dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Seigneur, ce matin, nous venons à toi parce que nous savons que tu réponds aux prières de tes enfants. Merci parce que j'apporte quelqu'un devant toi, quelqu'un qui a besoin de salut. Merci parce que tu accordes le salut au nom de Jésus-Christ. Merci parce que quelqu'un a besoin d'être guéri ce matin. Merci de pouvoir à la santé divine au nom de Jésus-Christ. Merci parce que quelqu'un a besoin d'une visitation ce matin, afin que les entrailles de cette femme soient productives. Merci donc de visiter ces entrailles, afin que la honte soit brisée au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces retournements de situation financière. Merci parce que, Père, pendant que nous mettons continuellement notre confiance en toi, tu ne permettras point que le bâton du méchant tombe sur notre destinée, sur notre vie, mais plutôt que, Père, que nous soyons victorieux, que nous marchions dans la grâce, que nous marchions dans la faveur pour recevoir ce dont nous avons besoin, parce que tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ donc nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler que cette semaine, nous aurons le dimanche la rencontre Bonheur Conjugal à partir de 16h. Bonheur Conjugal pour les célibataires. Thème, la guérison des blessures intérieures. Ne manque pas ce rendez-vous. Nous aurons deux services. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.